Yeah. Buyback music. SNT. E-Meg. CH. Gare la molle. Ah. Dans mes rêves, je te voyais. Tu me disais que tu m'aimais. Alors viens chez moi, je t'ai montré. Dans ma chambre, je pleurais. Hier matin, tu te cachais avec tes potes. Tu me lassais. Tu me disais de me calmer. Ça fait 2 ans, j'ai dû pleurer. Tu me trompais. Moi, je t'aimais. Tu me disais de me casser. Alors, baby, t'inquiète pas. T'en fais pas, car ça ira. Te vois tout le temps en Irak. Toujours là, comme maniqué. De jour en nous, tu manquais. T'en fais pas, car je vis. Dans mon quartier, on me disait, mais je voyais pas car ça fait mal. A pas m'a dit, on est comme ça. Va me chercher et tu tout feras. Dans ma vie, j'ai beaucoup souffert. Dans ma vie, j'ai beaucoup souffert. Dans ma vie, j'ai beaucoup souffert. Oh, oh, mais quoi faire? Dans ma vie, j'ai beaucoup souffert. Dans ma vie, j'ai beaucoup souffert. Dans ma vie, j'ai beaucoup souffert. Oh, oh, mais quoi faire? Ça fait 3 mois que tu m'as quitté. Bébé, tu me disais que tu m'aimais. Avant, on s'aimait, on déconnait. On se marrait et on s'amusait. Je t'aimais, je t'aimais et je t'aimerais. Peut-être que moi, tu trop usais. Tu me disais, bébé, on va lever. L'amour de moi, j'ai trop misé. N'imagine même pas quelle misère. Avant, c'était toi que je visais. Aujourd'hui, pour toi, je t'ai raté. Je restais tout le temps de ma tête. À cause de toi, je suis trop hanté. Non, bébé, je peux pas résister. Dis-moi ce que je t'ai causé. En tout cas, moi, je t'ai aimé. Dans ma vie, j'ai beaucoup souffert. Dans ma vie, j'ai beaucoup souffert. Dans ma vie, j'ai beaucoup souffert. Oh, oh, mais quoi faire? Dans ma vie, j'ai beaucoup souffert. Dans ma vie, j'ai beaucoup souffert. Dans ma vie, j'ai beaucoup souffert. Oh, oh, mais quoi faire? De retour MC et mec, je reviens direct de la Mecque. Je te dirai salam alaikum. Je suis promoté à la Nike. Laisse-moi faire ma petite life. De jour en jour, je me sens alive. Avant, c'était toi, ma petite life. Moi et toi, pas qu'à mariage. Je te ramènerai à Sandra Van. Là où il y a beaucoup de gangs. Je te promets de prendre ta garde. On s'aimera pas qu'à Wallife. Notre amour sera incroyable. Crois-moi, baby, je te mens pas. J'aimerais que tu m'appelles papa. Je suis pressé à ce point-là. Mon paradis sera oh là là. Alors, baby, tu viens ou pas? Mes paroles, c'est pas du blabla. Mon avenir dépend de toi. J'aimerais t'avoir sur mon toit. Peut-être que je suis d'aime de toi. Je veux que je parle maoré ou quoi. Alors Wayne ni souvenza. Dans ma vie, j'ai beaucoup souffert. Dans ma vie, j'ai beaucoup souffert. Dans ma vie, j'ai beaucoup souffert. Oh, oh, mais quoi faire? Dans ma vie, j'ai beaucoup souffert. Dans ma vie, j'ai beaucoup souffert. Dans ma vie, oh, oh, mais quoi faire?